On va parler avec Pascal Masson, demi-finale de l'Est, demi-finale de l'Ouest en fin de semaine. Beaucoup, beaucoup de nouvelles également dans la Ligue canadienne de football. Il y a le Rouge et Or qui joue en fin de semaine, les Bols d'Or. Beaucoup de stock, on en parle avec Pascal Masson. Salut Pascal. Salut l'ami. Pascal, évidemment, c'est inévitable. On va affronter une. Ça va être la finale de l'Est avec une équipe de l'Ouest. Donc, Saskatchewan qui a battu Ottawa la semaine passée. C'est inévitable la manière que ça a joué cette année. Est-ce qu'on pourrait avoir une Coupe Grey avec deux équipes de l'Ouest? Ben, c'est très possible, hein? Si j'avais à faire une gageuse, c'est ce que je pense que je gagerais. Moi, je vois Saskatchewan en ce moment battre Toronto, malgré que j'aimerais bien que mon ancien entraîneur, Mark Chessman, ait la chance de retourner à la Coupe Grey. Je crois vraiment que Saskatchewan a le vent dans les voiles, joue avec beaucoup de confiance et d'arrogance, et ça, c'est payant dans les séries. Et on joue beaucoup au sol. Hein. L'attaque au sol des Riders est vraiment en feu actuellement. Et la bataille des rhumatismes en vieux cliché dans les Canadiennes et dans le football, mais l'équipe qui connaît le moindre revirement a de plus grosses chances de gagner. Et l'attaque au sol, c'est vraiment difficile du côté des contrer cette attaque au sol-là. Tu as quatre porteurs de ballon. Le France Marshall Richardson, qu'on a connu dans la NFL, et Marcus Thigpen. Donc ça doit être très, très difficile pour une défensive de bien faire un plan de match contre cette attaque au sol qui est dévastatrice. Là. Ben, effectivement, c'est la clé pour une offensive, c'est d'établir son jeu au sol en début de match, puis de mettre la défense adverse là, sur les talons, les rendre plus agressifs, et après ça, ça l'ouvre l'opportunité de passe. Donc, et aussi, lorsqu'on est en mesure d'établir notre jeu au sol, on gagne la bataille des tranchées, mais également, on garde notre défense sur le banc. Ça veut dire que notre défensive, elle se repose. Puis quand elle revient sur le terrain, elle est fraîche. Puis on a une défense qui est extrêmement puissante du côté de Chris Jones et des Free Rough Riders. C'est que pour ça que moi, je vois vraiment là, Saskatchewan gagner ce match-là. OK. Et du côté des Argonauts de Toronto, Ricky Ray. Mark Trussman est en train de faire la même affaire avec Ricky Ray qu'il a fait avec... avec Anthony Calvillo. Ses derniers matchs, cinq derniers départs, il a une moyenne de 359 verges par l'attaque aérienne. C'est exactement, il est exactement en train de faire. Trussman a ressuscité la carrière d'Anthony Calvillo. Je ne suis pas sûr que Calvillo aurait eu les mêmes chiffres si Mark Trussman n'aurait pas arrivé. Et Ricky Ray, sa carrière, elle allait nulle part où il avait une grosse baisse. Puis cette année, Trussman arrive à Toronto, il fait la même affaire. Effectivement, puis la clé de Mark Trussman est West Coast Offense, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on lance des ballons rapides et on protège bien notre corps arrière. Donc, c'est pour ça que les vieux corps arrière, avec beaucoup de football IQ, donc beaucoup de connaissances, sont en mesure de bien performer dans les systèmes de Mark Trussman parce qu'on ne se croit pas frapper, donc on est protégé. Donc, on peut protéger notre vieux corps et utilise nos connaissances, notre expérience pour pouvoir justement profiter de ce système offensif-là. Donc, c'est vraiment un bon système que Mark Trussman a réussi à établir dans la Ligue canadienne, qui a malheureusement pas été en mesure de bien répéter au niveau de la NFL, mais au niveau de la Ligue canadienne, ça marche très bien. On dit ça, Marc, mais Pascal, mais tu sais, son deuxième séjour dans la NFL, ça a été difficile. Mais rappelle-toi, dans le premier séjour avec les Raiders d'Oakland, Rich Gannon, c'est lui qui l'a ressuscité, Rich Gannon aussi. Oui, tout à fait. Pour Clay, avant qu'il vienne à Gazalouette. Là. Ouais. Donc, il avait réussi, effectivement, à se faire un bon nom à ce moment-là. Mais c'est ça, malheureusement. OK. J'aurais bien aimé ça, que ça marche, surtout avec les Bears, là, quand il est entraîneur-chef, parce que c'est un homme que je respecte beaucoup, puis c'est tout qu'un gentleman. Trois, dans l'Ouest, donc tu favoris Saskatchewan, dans l'Ouest, la bataille de l'Alberta qui a été dominée par les Stamps 2-1. Sauf que, dans ce match-là, les Stamps qui ont mal fini l'année avec trois défaites affrontent une équipe qui a bien fini, les Eskimos d'Edmonton, et Mike Riley qui est en feu. Oui, effectivement, on l'a vu la semaine passée. Ouais. Edmonton, là, ils n'ont rien à envier à personne. Non. Ils ont joué la semaine dernière là comme si c'était un Ça m'avait même pas l'air d'un match de série pour eux. C'était une machine bien huilée. On exécute bien. Mike Riley est en mesure de bien distribuer le ballon. On dirait que le jeu est au ralenti pour lui. Il voit tout ce qui est lancé vers lui. Ceci dit, l'expérience de Calgary dans les gros matchs, on est entouré de belles façons à Calgary, que ce soit au niveau défensif, offensif, special teams, par les entraîneurs également. Donc, j'ai de la misère à voir Calgary perdre ce match-là, mais ça va être une méchante bataille. En plus, faut pas oublier, pour les gens qui ne savent pas, Edmonton-Calgary, là, c'est Canadien-Nordique, de l'Ouest canadien. Là. Moi, j'ai joué à Calgary pendant des années, et il n'y a pas une année que, dans un match pré-saison, où, que ça finit pas en bataille générale, à un moment donné. C'est toute une rivalité. C'est vraiment le fun, ces matchs-là. Il va y avoir autant de rouge que de vert dans les estrades, même s'il y a une distance qui est entre les deux gîtes, qui n'est pas si grande que ça, mais qui est juste... C'est fantastique. Ça va être le match de la fin de semaine pour moi à regarder. OK. Pascal, même si les Stamps sont finis avec 3 défaites, on sent qu'un entraîneur n'aime pas finir l'année comme ça. Est-ce que ça peut jouer contre les Stamps? Parce que le momentum est actuellement avec les Eskimos, là. 2 semaines sans jouer au football, donc certainement qu'il risque d'avoir peut-être le premier quart, il risque un peu d'avoir de la rouille. Les Eskimos qui ont joué la semaine passée, ça peut jouer contre les Stampeders? Si là, il y avait eu un match à jouer tout de suite après Thierry, là, il rentrait dans la série puis il jouait la semaine suivante les 3 défaites, je t'aurais dit qu'effectivement, il peut avoir un bon corps facile de questionnement du côté des Stamps, dépendamment de la semaine de pratique qu'ils ont eu en plus. Sauf que là, ils ont eu une semaine de congé. Okay. On a des vétérans du côté des Stamps. On a vu neiger. Je ne crois pas. Même au contraire, je pense que les Stamps, puis ils ont dû profiter de cette semaine de repos-là pour faire un extra de bande vidéo, là. Donc, je m'attends à ce qu'ils sortent, là, vraiment en feu, là. OK. Donc, Calgary, Saskatchewan, à Coupe Grey? Ça serait ma prédiction. Deux équipes de l'Ouest, puis ça va repartir également. Toute l'histoire là, de l'Est, est-ce qu'on devrait faire un calendrier? Si on se ramasse avec 2 équipes de l'Ouest, ça risque d'être assez bizarre comme phénomène. Ça peut arriver. Parlant de ça, Halifax, il y a une nouvelle qui est sortie hier. Ça fait longtemps qu'on entend parler qu'Halifax veut une franchise de la NFL, mais il n'y avait pas de l'air à avoir de projets concrets, des promoteurs et ainsi de suite. Mais là, ça semble vraiment sérieux, puis c'est des gens solides qui sont à la tête de l'équipe qui veut avoir une concession dans les Canadiennes. Ben oui, puis on s'en est parlé la semaine passée, ouais, lorsque tu m'avais amené le dossier de Québec. Puis moi, vraiment, Halifax, c'est pourquoi ça serait bon en plus, parce que le football universitaire à Halifax, il traîne la patte, mais tu sais, c'est tout le temps dur dans les Maritimes. J'aimerais bien ça, voir une équipe professionnelle, puis faire que le football en général, que ce soit au niveau secondaire, universitaire, que ça commence à monter là, encore plus là-bas. Donc, ça serait une belle nouvelle pour les Canadiens de voir une équipe d'Halifax. Puis en plus, ça nous prend une autre équipe dans les Canadiens. Ben oui, dans les Québec n'en aura pas. Donc, on a quelque chose d'intéressant qui s'annonce là. Je trouve ça plate, et ça, on va peut-être en parler un jour. Je trouve ça plate qu'il n'y a pas de promotion pour la Ligue canadienne maintenant, parce qu'à quelque part, tu sais, c'était normal. On pensait tout le retour des Nordiques. Le retour des Nordiques priorisait avant tout ça. Sauf que là, les Nordiques sont très loin d'arriver. Là. Tant que Gary Bettman va être là, on oublie ça. Là. Moi, c'est mon opinion bien personnelle. Donc, je trouve ça plate qu'on ne se tombe pas du côté de Québec, du côté de la Ligue canadienne. Pascal, puisqu'il est question de la Ligue de Québec, Rouge et Or, Calgary en fin de semaine. Comment tu vois ça? Ça, la reprise de Coupe Vanier de l'an passé. Okay. Rougéard qui sort d'un match ultra émotif contre les Carabins dans un match serré, dans un match où on a vu un méchant spectacle, deux bonnes équipes s'affronter. Mm. On a pratiquement vécu une Coupe Vanier du côté du Rougéard la semaine dernière, là, avec le calibre de jeu qu'on avait. On s'en va jouer dans l'Ouest canadien, sur un terrain hostile où il fait froid, sauf que le Rouge et Or a le numéro là, de Calgary. Il, à chaque année, Calgary, à chaque année, pas à chaque année, mais à chaque fois qu'on a affronté du côté du Rouge et Or, les Calgary, ils avaient une. Ils avaient un. Comment je dirais ça? Une équipe pour gagner. Tu sais, il y avait une équipe avec beaucoup de talent, beaucoup de joueurs qui ont joué dans la Ligue canadienne ou qui jouent encore dans la Ligue canadienne dans les années que Rougeur a affronté Calgary. Ça va être encore le cas cette année. Et en plus, eux aussi, ils sortent d'un match émotif contre UBC là, sur un placement de 59 verges pour la victoire. Donc, je m'attends à tellement un gros match. Là, puis ça va être important, ce match-là, parce que l'équipe gagnante risque d'affronter Western sans rien à lui avec Kalia, mais Western qui est une attaque dévastatrice en ce moment. Donc, on va avoir droit à du beau football dans l'Ouest canadien universitaire. Là. OK. Puisqu'il est question maintenant de football, c'est la plupart des bols d'or en fin de semaine. On en a parlé amplement cette semaine dans mon bulletin de sport local et également dans les entrevues. Il y a une équipe qui s'appelle en division 3, au niveau collégial, le Cégep de Jonquière, qui vont être là. Mais c'est la grosse fin de semaine de football, parce que quand tu es impliqué de près dans le football québécois, c'est écoute, là, c'est le festival en réalité. Là. C'est le plus beau moment de l'année. Ouais. Quand le mois de novembre arrive, c'est le mois de on a tout le temps. Moi, j'ai grandi là en disant le mois de novembre, c'est le mois des champions. Okay. Quand il fait froid, puis tu joues au foot, c'est tellement des bonnes nouvelles, puis c'est tellement des beaux moments. C'est une expérience pour les jeunes athlètes, les plus vieux même. Tu sais, c'est une atmosphère incroyable. Puis là, on va avoir toutes sortes de bols d'or de niveau scolaire, collégial, de toutes les divisions. Et c'est un bel événement. Puis, tu sais, moi, tout ce que je peux dire à toutes les personnes qui vont vivre ce moment-là, c'est d'en profiter à fond, parce que tu sais jamais quand ça peut se représenter. Après, il est trop tard. Donc, il faut en profiter quand tu le vis. Puis, il y a beaucoup de bons matchs en fin de semaine. Ah, oh, ouais. Donc, on va surveiller évidemment le Cégep de Jonquière qui affronte oui. Saint-Hyacinthe dans la division 3. C'est une belle occasion. On en a parlé avec. Jonquière qui a connu toute une saison. Oui, on en a parlé avec François Laberge hier. En fait, c'est l'occasion pour certains jeunes d'être vus par les universités. Là. Il y a beaucoup de dépistages. Pascal, je veux te poser une question sur un joueur de football qui joue dans la région de Québec, qui serait un porteur de ballon. Martin Leclerc, ce matin, dans sa chronique au 91.9, en a parlé. Il va être au bol d'or en fin de semaine, dans un des bols d'or. Et Martin Leclerc mentionnait que c'est un gros porteur de ballon. Déjà, les équipes de la NCAA s'intéressent à lui. Est-ce que c'est un autre Chimanga Biata Butuka? Pour les gens qui ne se rappellent pas de Biaka Butuka, c'est un porteur de ballon qui a joué pour les Wolverines du Michigan. C'est un gars qui venait de la région de Montréal dans les années 90. C'était natif du Zaïre. Et Biaka Butuka a été le premier porteur de ballon des Wolverines du Michigan. Il a été un choix de première ronde des Panthers de Caroline. Et c'est les blessures qui ont empêché Biaka Butuka de connaître une belle carrière dans la NFL. Est-ce qu'on assiste à un autre Chimanga? Écoute, définitivement, depuis longtemps, on n'a pas vu un talent à porteur de ballon, puis même, je te dirais, un talent québécois aussi puissant que celui de Kalanga Muganda. Kalanga joue son football avec le Séminaire Saint-François, le Blizzard du Séminaire Saint-François, Juvenile Division 1. Jouera au Bol d'Or en fin de semaine contre les Loups de l'école secondaire de Curé Antoine Labelle. Ça devrait être un excellent match. Si vous voulez voir un beau spectacle, allez voir ça. Allez voir le spectacle des deux équipes, mais surtout, allez voir ce porteur de ballon-là. Lui, ça fait 3 ans qu'il joue juvénile, parce qu'il, au lieu de jouer cadet, ils l'ont monté juvénile tout de suite à sa deuxième année cadet. A gagné ce qu'on appelle le MVP de la Ligue, là, le meilleur joueur de la Ligue, 3 années de suite. Yoï. C'est du jamais vu. C'est un porteur de ballon qui a en moyenne 200 à 300 verges par match. Il est pas dans la même. C'est pas la même physique que Biaka Butuka que tu parlais tantôt. C'est Timanga, c'est un porteur extrêmement grand et costaud. Kalanga est plus petit un peu en grandeur, mais tellement puissant. Écoute, c'est un C'est effectivement un talent incroyable. Okay. On devrait le voir chez nos voisins du Sud dès l'année prochaine. D'après moi, on devrait faire une année de transition là, dans ce qu'on appelle les prep school, là, les écoles... mais pas high school, un prep school. Fait que, okay. Dans le fond, un prep school, c'est entre le high school et l'universitaire. Okay. Parce que lui, il va y manquer un an. Il peut pas aller directement à universitaire américain parce qu'il manque un an d'académique pour pouvoir aller universitaire. Parce que si on le sait, là, à l'exception du Québec, là, c'est 6 années de d'école secondaire, là, de high school ailleurs. Okay. Nous, on en fait seulement 5, donc il manquerait un an, il pourrait faire ça, puis se faire voir au niveau des universités américaines. Définitivement, je crois qu'il va attirer l'attention. Parce qu'avec les choses, tu sais, puis il fait pas dans n'importe quel calibre, là. Il fait dans le meilleur calibre possible au Québec. Ouais. Et ça fait 3 ans qu'il fait la pluie puis le beau temps. Puis il vise un deuxième bol d'or d'affilée. Et les succès des Blizzards, c'est pas nouveau, là. C'est une équipe qui performe bien depuis longtemps. Mais avec un porteur comme ça, disons que ça facilite les choses un peu. Et ça va être un joueur à surveiller. Les équipes collégiales du Québec là l'ont à l'œil depuis longtemps, mais ça serait surprenant de le voir jouer au Québec l'an prochain. Cependant, si on se souvient de Timanga Biakabutka, lui avait joué une année de cégep au Collège Vanier avant d'aller directement au niveau universitaire américain. Et une petite parenthèse, Biakabutka, sa dernière année avec les Wolverines, était un des runner-up, là, un des candidats pour gagner le Heisman. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et moi, je me rappellerai toujours d'un match contre Ohio State. Ah oui, oui. Eddie George, il avait complètement éclipsé Eddie George. C'est un classique. Ah, ouais. Je pense qu'il y avait eu 200 quelques verges au sol. Tu sais, c'était incroyable. Il présentait comme un duel George qui a connu une belle carrière dans la NFL et Chimanga. Et Chimanga l'avait complètement éclipsé. Donc, Et tu sais, Chimanga n'a jamais eu le respect qu'il méritait au niveau de la NCAA. Probablement, là, je voudrais pas faire mon Maurice Richard, là, mais probablement à cause de sa nationalité canadienne et québécoise. Là. Ouais. Mais à partir de ce moment-là, de ce match-là, puis je dirais à tes auditeurs, là, s'ils ont la chance d'aller sur YouTube, cliquer, taper Ohio State, Michigan, Chimanga Biakabutka, vous allez voir, là, c'est une vidéo là, incroyable. Il était énorme, il était tellement puissant, ce porteur-là. Là. Ouais. Malheureusement, c'est un gars qui était bon, qui tournait en ligne droite, qui était vraiment qui était un bon porteur de ballon. Pascal, on se reparle la semaine prochaine pour la Coupe Grey. Yes. La Coupe Vanier, peut-être. Oui, la Coupe Vanier, Coupe Grey, ça, c'est vrai. Donc, on va se parler la semaine prochaine. Collaborateur Pascal Masson.